Comme bonjour, mon nom est Eric Cooper et comme chaque semaine, je vous présente La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Il y en a plein, il y a du roots, il y a du bluegrass, du folk, de l'americana, bref, rien que des bonnes choses pour vos petites oreilles. Je voudrais, avant de commencer, vous signaler que nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr nous contacter via cette page donc Facebook, La Croisière Folk, donc likez La Croisière Folk. Don't forget, we have a Facebook page, you can like the page, and also, through this page, you can communicate with us. C'est avec Abby Gardner, Cold Black Water, un morceau de 2018 que nous avons démarré cette émission, et la programmation va continuer avec Amanda Scher, extrait de son deuxième album qui s'appelle West Cross Timber, album sorti en 2009. On écoutera Angels and Acrobats. Eh oui, des anges et des acrobates. Est-ce que les anges sont des acrobates ou les acrobates sont des anges ? Je ne répondrai pas à cette question. Ensuite, il y aura Jenny Lynn Tell Me, extrait de son premier album solo qui s'appelle Burn Another Candle, sorti en 2017. Et puis, live au Carnegie Hall, ce sera Annie DiFranco avec Gratitude. Allez, tout de suite, Amanda Scher. Merci de votre fidélité. C'est parti pour 60 minutes de très bonne musique. Ça, c'est comme les traumatismes. On fait tout pour les refouler. C'est comme quand les sentiments, ils sont trop forts. Last year, the crazy thing is, I still want you near. I'm Translated that into two more nights. So I wrote this song for him, not a family song. Thank you for letting me stay here. Thank you for taking me in. Thank you for the beer and the food. Thank you for loaning me bus fare. Thank you for showing me around. That was a very kind thing to do. And thank you for the use of the clean towel. Thank you for half of your bed. We could sleep here like brother and sister, you said. You changed the rules in an hour or two, and I don't know what you and your sisters do, but please don't, please stop. This is not my obligation. What does my high body have to do with my gratitude? Look at you, little white, lying for the purpose of justifying what you're trying to know. Yeah. I know that you feel my resistance. I know that you heard what I said. Otherwise, you wouldn't need the excuse. And thank you for letting me stay here. Thank you for taking me in. I don't know where else I would hurt. You can play thoughtlessly and then forget once it's gone. You can't write me off and you know you don't turn me on. So don't change the rules in an hour or two. I don't know what you and your sisters do, but please don't, please stop. This is not my obligation. What does my high body there's no band here. She's gonna take requests. She'll do what we say. She told us to sit down. We sat down. At least she could do it. Well, you never know. Si vous venez juste prendre l'antenne, sachez que vous avez loupé les trois premiers morceaux, les quatre même premiers morceaux de cette émission. Mais à l'instant, sachez que c'était Annie DiFranco avec Gratitude. Et tout de suite, on écoute cette chronique qui vous permet, en trois chansons, de découvrir un album. Et ça s'appelle 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un nouvel album que nous découvrions, que nous découvrons aujourd'hui, Anna Mania, l'album sorti en mai 2021. L'album d'Anna Elisabeth Laube, qui est une autrice, compositrice, multi-instrumentrice, elle est productrice aussi, et elle est ingénieur. Elle écrit sur la nature, l'amour et le voyage du héros. C'est un cinquième album qui est rétrospectif, qui est donc sorti au mois de mai, qui s'appelle Anamania. Alors, comme tous les meilleurs autrice, compositrice, interprète, Anna Elisabeth peut raconter une histoire magnifique avec la subtilité des meilleurs poètes. Pour beaucoup d'entre nous, explique-t-elle, la période de pandémie signifiait ralentir d'une certaine manière. Au lieu de me lancer directement dans un nouvel album, hein, elle continue toujours à parler, dans un nouvel album studio, j'ai eu la chance de réfléchir à la première partie de ma carrière et de compiler des chansons pour une sorte de petite rétrospective. Elle est vraiment fière d'inclure des chansons de ses 4 premiers albums et de donner à certains singles une place dans cette nouvelle collection. Elle espère bien sûr que vous aimerez cet album. Moi, je l'ai adoré. Donc, Anamania comprend une nouvelle chanson inédite, Jardim da Estrela, qui est inspirée par son séjour à Lisbonne, au Portugal, un séjour qu'elle a fait en 2019 et 2020. Il y a d'autres chansons inédites comme Time to Move On, une reprise de Tom Petty, et I Am Gone. C'est un original récemment présenté dans l'émission Lock and Key de Netflix. Allez, on écoute 3 morceaux donc, de cet album Anamania d'Anna Elisabeth Loeb, Jardim da Estrela, Time to Move On, et I Am Gone. We took the trail to Jardim da Estrela. The stars, they smiled down upon us both and said, come in, you crazy wandering travelers. We laughed and cried and told each other jokes. Be real, please tell me how you feel. Take our gloves and set them on the ground. Call your bluff, tell you you're enough. It's just nicer having you around. Not quite sure. Left up yesterday before new flowers grew. Here today, you tell me it's okay. Dive into the happy and the sad. Just have to see you one more time. Took off every spell. 3, on vous a présenté Anna Mania d'Anna Elisabeth Loeb, son cinquième album qui est sorti au mois de mai. Donc c'est un album tout récent, Jardim da Estrella, Time to Move On et I'm Gone. C'était les trois morceaux que je vous ai fait découvrir. Allez, j'ai une petite question pour vous. Quel est le point commun entre George Clooney et la Belgian Aviation Preservation Association? Autrement dit, la BAPA. Eh bien, c'est en fait un Mitchell B-25, qui est un bombardier moyen bimoteur, qui a servi pour un film, celui intitulé Another Street, qui mettait en vedette le beau George en 79. Mais sachez qu'en 70, donc en 1970, il y a eu aussi un film de guerre satirique avec le chanteur Art Garfunkel dans le rôle d'un capitaine. Ça s'appelle Catch 22, qui mettait aussi en vedette l'un de ces bombardiers. Et donc, la BAPA, ou le BAPA, c'est une association, c'est une sorte de musée qui répare des vieux avions. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a déjà une année à peu près Vincent Jacobs, qui fait partie des bénévoles de cette association située à Gembloux en Belgique. Et en fait, quand j'ai vu Vincent, je me suis dit, mais toi, il y a presque 40 ans, vous êtes de la radio ensemble. Ben oui, on a fait de la radio dans la même radio. C'est marrant de se retrouver comme ça. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview que vous retrouvez d'ailleurs dans les interviews d'Eric Cooper sur SoundCloud, mais aussi sur Spotify, sur Radio Line, sur Google Podcast, bref. Partout. Le BAPA, c'est principalement la restauration d'avions anciens, historiques, établir des contacts avec d'autres associations, qu'elles soient tout simplement le plaisir comme la radiocommande ou militaire. Se faire connaître aussi est une principale raison, parce que sinon, si on vit tout seul dans notre coin, on ne va pas aller très loin. Les personnes qui travaillent chez vous, est-ce que ce ne sont que des personnes qui ont travaillé dans l'aéronautique ou bien vous avez aussi des jeunes qui commencent à s'intéresser à l'aviation? Généralement, on ne sait pas très bien pourquoi on est passionné par l'aviation. Moi, mon père, il aimait la marine. J'ai fait des maquettes d'avions. On commence tous par ça. On commence par faire des maquettes. Et puis, on va à des meetings d'avions. Puis, on fait un peu de radiocommande. Et puis, on va peut-être se lancer dans le pilotage ULM ou avion. Si on a de la chance, on parvient à en faire un métier. En Belgique, malheureusement, c'est plus difficile. Mais on ne sait pas très bien. On a de tout. On a finalement un très, très petit pourcentage de personnes qui sont réellement dans le travail aéronautique professionnel. Pour les jeunes, malheureusement, c'est plus difficile d'attirer les jeunes. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment dans les études des filières qui mènent à des métiers de l'aviation ? Non, les filières existent. Par exemple, avec le One qui se trouve à Gosselies, les filières existent. Le problème est que, dans notre cas, la restauration d'avions anciens, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On fait ça sur une base bénévole, donc on fait ça comme loisir, sur notre temps libre. Et quand on est parti pour une restauration d'avion, ça dépend de l'état de la machine évidemment, ça peut prendre des années. Et on a déjà vu ça depuis longtemps, les jeunes sont pressés de voir la fin. Et nous sommes donc impatients. Et puis, il y a tellement de choses à faire dans la vie aussi. Vous avez au sein du BAPA un centre de documentation. Est-ce que vous collaborez, par exemple, avec le centre de documentation du Musée de l'Air ? Pas encore. Notre centre, comme le reste de notre association, je dirais, est toujours en création. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de recevoir des dons, que ce soit des manuels techniques, des magazines ou des revues ou des livres. Et on est occupé à archiver tout ça, que ce soit digitalisé ou bien simplement faire un inventaire. Il y a une légère, effectivement, collaboration, mais c'est tout à fait informel, entre notre archiviste qui travaille également comme bénévole à la bibliothèque du musée de l'armée de Bruxelles. Donc, il y a un contact qui se fait, oui. Mais c'est tout à fait informel. Voilà, si vous êtes un passionné d'aviation, que vous voulez découvrir la Belgian Aviation Preservation Association, et donc la BAPA, et peut-être d'aller visiter, de voir ce Mitchell B-25, hein, donc qui est un bombardier moyen bimoteur, Eh bien, vous aurez toutes les infos en allant sur soundcloud.com. Vous cherchez les interviews d'Eric Cooper et vous trouverez celle de Vincent Jacobs. Allez, on poursuit avec JKL, Nouveau Départ, extrait de son nouvel album qui s'appelle Entrisser ailleurs, un album sorti en 2020. Ensuite, Rosa Cedrón, Soledad. J'ai eu l'occasion de la croiser, Rosa Cedrón, en fait. C'était à Gand, dans un festival qui s'appelle Les Goûts de Gand. C'est organisé chaque année au mois d'avril-mai. Donc, n'hésitez pas, vous tapez sur Google Les Goûts de Gand, comme ça, vous serez tenu au courant du prochain festival. Ensuite, il y aura The Crickets, c'est un trio féminin, Will the Circle Be Unbroken, ça date de 2016. J'ai regardé par la fenêtre depuis mon siège dans le train. Il était quoi, midi peut-être, quand j'ai vu son chagrin. J'ai pris une feuille, un crayon, et j'ai noté quelques vers. J'ai composé cette chanson lors d'un séjour en solitaire. Quelques larmes de revoir, il ferme la porte du train. Le wagon qui démarre, il lui fait signe avec la main. J'ai fermé les yeux quelques instants, quand tout à coup elle m'a frôlé. La fille aux yeux d'argent, plus belle qu'imaginée. Lui sur son quai, elle près de moi, tout de loin de l'autre. J'entends soudain sa douce voix, à qui est la faute? Quelques larmes de retard, elle doit panser son cœur. Une nouvelle vie démarre, a-t-elle droit au bonheur? Les yeux fixés dans les miens, elle laisse couler une perle, puis d'un sourire en coin, me dévoile une étincelle. Quelques larmes d'espoir, un chemin vers ailleurs, un nouveau départ, vers un avenir meilleur. To protect yourself and everyone else, follow recommendations from trusted sources. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19. This message is brought to you by UNESCO, WHO, and your local radio station. Je veux que t'écoutes ce que j'ai à te dire. Tu me coupes pas, t'écoutes. Et puis de toute façon, même si t'as quelque chose à dire, ça changera rien parce que ce que j'ai à te dire, c'est comme ça, puis c'est tout. D'accord? Si vous venez de prendre l'antenne, eh bien, vous écoutez La Croisière Folle. À petite dose, ça calme les anxiétés. Mais à haute dose, mélangée à l'alcool, ça devient un antidysleptique hallucinatoire puissant. Si vous avez envie de communiquer avec nous, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de regarder quelques vidéos, eh bien, sachez que nous avons une page Facebook. Yes, we have a Facebook page. Just Facebook. Et le nom de cette page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Please, don't hesitate to like our Facebook page. I speak English well. I learn it from a book. Et si vous êtes un artiste,

Cricket. Donc, c'est un trio féminin de folk. Et on écoutait Will the Circle Be Unbroken. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de les voir en concert, ne manquez pas cette occasion. Alors, je vous avais parlé de cinéma pour présenter un podcast. Et j'ai retrouvé sur le site short-edition.com une histoire de Clara Juliette. Non, non, c'est pas cette Clara-là, c'est Clara Juliette. Ça s'appelle Un vieux ticket de cinéma. Donc, ce vieux Duffelcoat, il y avait bien longtemps que je l'avais porté. 5 ans, 10 ans, peut-être plus encore. C'était le Duffelcoat de mes années de jeunesse. Il sentait le chaud, le réconfort. Jamais ses poches profondes et sa capuche qui me camouflaient. Lui aimait sans doute mes rires qui résonnaient, mes chagrins qui l'avalaient. Les années sont passées sur lui comme une caresse ce jour-là. J'ai eu envie de le porter comme si je l'avais porté la veille. Je pouvais encore me noyer profondément dans son bleu marine. Il me faisait du bien. J'ai glissé mes mains dans ses poches. C'est alors que j'attrapais un petit bout de papier, un vieux ticket de cinéma jaune, cinéma Odéon dans le quartier latin, un tarif réduit pour étudiants. Je l'avais donc gardé ce ticket, ce premier ciné avec Gigi, mon amoureux. Ce jour-là, je me rappelle, il pleuvait dru. En sortant du métro, on avait couru comme des fous sous la pluie. Gigi m'avait attrapé la main pour traverser la place en courant. On allait voir, je crois, un vieux Woody Allen où tout était un peu triste, ou bien était ce Truffaut où tout se passait mal. Aujourd'hui, je me demande pourquoi ai-je oublié ce film alors que je l'ai tant aimé. Que reste-t-il de l'amour quand les années passent, quand la pluie mouille les visages et nous détrempe jusqu'aux os ? Un simple petit ticket jaune oublié au fond d'une poche. On allait souvent à l'Odéon voir un vieux film en noir et blanc. Les films d'auteur, ça faisait partie du statut d'étudiant. Parfois, je ne comprenais pas la fin du film, voire le film tout entier d'ailleurs. J'aurais voulu qu'il se termine. Jamais. Cette vie douce dans un fauteuil en velours, je voulais qu'elle dure éternellement. J'ai conservé tous mes tickets de cinéma de mes années d'étudiante. Je me revois les coller dans un petit carnet à spirale. J'y notais la date ainsi que quelques mots, mes impressions sur le film. J'ai perdu ou jeté ce petit carnet depuis longtemps et j'ai oublié beaucoup de ces films, mais ceux qui me restent, ceux-là me resteront pour toujours. Quand l'été est trop chaud, j'aime me glisser dans une salle fraîche, être englouti par un fauteuil profond, puis attendre la venue des images, comme si le film allait pour de vrai crever le grand écran. Mais le désir de pluie était devenu plus fort encore, une pluie si forte qu'il me faudrait courir pour traverser la rue. Brusquement, un homme attraperait ma main. 20-30 ans après, je me souviens de cette pluie qui s'abattait sur nous et la main de Gigi qui serrait la mienne. Pendant le film, Manhattan, je me souviens, c'était bien Manhattan aujourd'hui. Il me suffit de penser à ce film pour sourire. Combien de fois l'ai-je vu et revu, avec qui ? Je ne me lasse pas de Manhattan, je ne me lasse pas de ces souvenirs, du quartier latin qui reste, alors que ma jeunesse se dilue dans le passé. Et je me suis lassé de Gigi. J'ai cessé d'aimer ce jeune homme qui m'avait serré si fort la main. J'avais oublié de coller dans mon petit carnet à spirale cette photo de lui prise la veille dans la vieille maison de Figeac un été et d'y ajouter cette phrase sortie tout droit d'un film ancien. Paris est tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un aussi grand amour. Merci Monsieur Prévert. Aujourd'hui, je me souviens. Maintenant, je sais. Tout est faux. Les films aussi nous mentent. Ou bien ce sont les spectateurs qui s'arrangent avec le film. L'amour n'est jamais assez grand et les cœurs sont bien trop étroits. Une chouette histoire que vous pouvez retrouver avec bien d'autres encore sur short-edition.com et on écoutait, je vous racontais l'histoire d'un vieux ticket de cinéma de Clara Juliette. Et c'est vrai qu'on se rappelle des films, par exemple, moi j'ai été voir Jurassic Park, c'était dans un cinéma à Édimbourg, je ne vous dirai pas avec qui. Ah si, allez, vous voulez que je vous dise comment ? Allez, la demoiselle s'appelait Claire, voilà, mais je ne vous en dirai pas plus. Allez, on poursuit avec Von Grey, c'est un trio féminin. Dites, j'ai oublié de vous le dire, vous savez qu'une fois par mois, on a une programmation 100% féminine, et justement, c'est aujourd'hui. Ensuite, Dalla avec Girl from the North Country. Alors, Dalla, c'est un duo de folk canadien qui est composé de Sheila Carabine et Amanda Walter. Et puis, ce duo qui nous vient du Québec et qui enchante mes oreilles depuis que leur CD est tombé dans ma discothèque, on écoutera Le Plein d'étoiles. Let me take your weight. Tell me how much did you take? I wanna be a soft shoulder for you to lean on. when you stand up? Will your knees give? Are your markings stuck? How much have you hit? I wanna be a soft shoulder for you to lean on. Hold on, I'll carry you, I'll carry you, my sister. Hold on, it's time to find the path of least resistance. Hope will be in the light corners of the dawn. Sinking bones and tired feet, bruises on your rosy cheeks. Where will you find retribution, your new home? Hold on, I'll carry you, I'll carry. Hold on, it's time to find the path of least resistance. Hope will be in the light corners of the dawn. I have watched you break up. Her hair's hanging long. bout du lit, défilante en carton. Je veille sous un ciel emprunté. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Chante avec vue sur l'au-delà, ce qu'on m'avait promis. Par la fenêtre sur le toit, on ne voit que du gris. Montréal dans la lampe allumée. Quand le jour est en cavale, faut laisser venir la nuit. Faut laisser noircir la nuit pour refaire le plein d'étoiles. J'étais en manque de... Listen to my radio. Hey you! Ça y est, c'est fini. En colis, le plein d'étoiles, cet extrait de leur album de 2018. On attend un album pour très bientôt. Je ne sais pas quand. J'espère qu'il tombera très vite dans ma discothèque pour que je puisse vous le faire découvrir. Et du Québec, on part en Bretagne avec Nolwenn Korbel, Me No Like. C'est une bretonne qui chante en breton aussi. Je vous suggère tous ses albums. Il y en a 4 ou 5. Donc n'hésitez pas, si vous allez chez votre disquaire, Nolwenn Korbel, Me No Like. C'est avec elle que nous allons nous quitter. Je vous rappelle, nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Do not hesitate to like the Facebook page of this fantastic radio show. Yes, I know. Modesty is my middle name. Et au travers, bien sûr, de cette page Facebook, vous pourrez nous contacter. Moi, je vous dis au revoir. Merci de votre fidélité. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et que la force soit avec vous. Salut. I'll be back. On dira de bas à vos, on d'une brasse, on d'une terre. Vaque noise, vaque bras, de tes bides arrivaront. On toque quand un variben, en y trait, bout ou l'air, croire en gwen, brag ou bère, or vastan à la hénontaine. Me no like, me no like.